Histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Au cours de la seconde émission, nous avons examiné la première vague de développement, celle qui a été associée aux pêcheries et au commencement du commerce des fourrures. Nous avons aussi examiné les efforts pour organiser ce développement, les plans du Sieur de Mont et de son agent Samuel de Champlain, et puis ceux de la Compagnie des 100 associés. En fait, nous avons montré que c'est dans l'interaction entre pôles de croissance et plans de développement que va se tisser la trame institutionnelle de la Nouvelle-France. Cette semaine, nous allons examiner les changements dans l'organisation socio-économique de la Nouvelle-France dans la dernière moitié du XVIIe siècle. L'activité économique centrale, la seule qui compte vraiment au milieu du XVIIe siècle, c'est le commerce des fourrures. Et ce commerce, comme on l'a dit la semaine dernière, il est à reconstruire puisque l'anéantissement de la Huronie a fait qu'il faut maintenant aller vers l'intérieur chercher soi-même la fourrure. La légende a déjà construit des mythes autour des premiers coureurs des bois, des habitants aventureux comme Pierre Esprit Radisson et Médard Chouard des Groseilliers. C'est une période où, de fait, la population locale va tenter de relever elle-même le défi posé par la nécessité de reconstruire le commerce des fourrures. On peut dire qu'au milieu du XVIIe siècle, les habitants s'emparent de leur économie et qu'ils obtiennent même une forme embryonnaire de gouvernement représentatif. Lucien Campeau est professeur-chercheur à l'Université de Montréal. On s'est dit pourquoi le commerce ne pourrait-il pas être dirigé par les propres habitants de la Nouvelle-France et réussir et même permettre aux habitants qui étaient d'ailleurs les plus intéressés à leur propre développement, leur permettre de faire eux-mêmes la colonisation que la compagnie avait entreprise. Est-ce qu'il y avait de la part des habitants de la Nouvelle-France à l'époque, habitants qui voulaient s'emparer de leur économie, un certain malaise face au coulage, à la perte de certains des profits du grand commerce des fourrures, perte vers les actionnaires européens ou vers l'Europe en général? Non, je ne crois pas qu'il y ait eu ce genre de malaise, et s'il avait existé, il ne serait pas justifié, parce qu'en réalité, la compagnie avait comme principe que les profits même de la Nouvelle-France devaient tous revenir à la Nouvelle-France. Et elle y a été fidèle. Et elle insistait encore sur ça en 1663. Vous voyez? Alors, en sorte que c'est son monopole à elle, celui qu'elle a exploité, qu'elle a fait servir à la constitution de la Nouvelle-France, qui va passer à la communauté des habitants. Et la réussite ou la non-réussite de ce monopole, désormais, va dépendre des habitants eux-mêmes. Et puis, le roi a décidé de donner une autre administration à la communauté des habitants. Elle était administrée par des directeurs, comme l'avait été la Compagnie des 100 associés, sur le modèle de la Compagnie. En 1647, il crée un conseil de Québec, qui est un conseil politique, un conseil des finances, on peut dire. Il va diriger toutes les finances. Il est formé, en 1947, de deux gouverneurs, celui de Québec, celui de Montréal, et du supérieur des Jésuites. Sont eux qui prennent les décisions relatives à la marche du commerce et puis à l'administration financière de la colonie. Cette nouvelle étape dans l'évolution de la socio-économie de la Nouvelle-France, celle où les habitants ont le pouvoir économique, où la communauté locale reçoit le pouvoir politique, on y voit durant cette période, après 1645 et entre 1645 et 1652, on voit un pouvoir social, en un sens, apparaître qui va manipuler Oui. cette situation locale à son profit. Quelques familles où il y avait des nobles, tous n'étaient pas nobles cependant, ont plus d'influence que le reste et ce sont elles qui accaparent les charges. On ne peut pas dire qu'elles font le commerce parce que le commerce est aux mains de la collectivité. Seulement, ce sont elles qui représentent la collectivité. Alors, elles dominent les charges pendant ces années que vous avez dites, c'est-à-dire de 1645 à 1651. Là, ce ne sont pas des marchands. Ce sont d'honnêtes gens qui espèrent faire beaucoup d'argent avec le commerce, cependant, mais qui n'ont pas d'expérience du commerce. Et la preuve qu'il n'y a pas d'expérience du commerce, c'est que, d'abord, ils n'ont pas de capitaux, ils commencent une affaire pareille sans capitaux, ils vont par conséquent être emprunteurs de capitaux en France, capitaux qu'ils ne peuvent pas avoir, sinon à condition de payer un intérêt à la grosse aventure, comme on appelle, c'est-à-dire un intérêt maritime de 25 à 30 % pour le temps des traversées. Ce qui mange, d'ailleurs les comptes sont là pour en témoigner, ça mange les profits d'avance. Ces simples emprunts. Cette nouvelle réalité économique, politique et sociale que devient la Nouvelle-France, elle ne va pas réussir à faire de miracle. Mais le processus de libéralisation du commerce a, pour un moment tout au moins, un effet de relance. Il n'y a que 2000 personnes en Nouvelle-France à ce moment-là et on a de grands espoirs. Mais les grands espoirs qu'on fondait sur la communauté des habitants et sur la liberté du commerce seront frustrés. Certains ont dit que le commerce libre n'était pas libre puisque contrôlé, et que cette expérience s'était soldée en fait par un échec. Je ne dirais pas un échec, parce que ce qu'avaient fait les centres associés, déjà, on avait un noyau de société qui était là. De 1645 à 1652, on voit un progrès véritablement considérable de cette même petite société. En sorte que ça, c'est un acquis en 1652, vous voyez? Alors, c'est par conséquent, ce groupe d'administrateurs a fait quelque chose. Seulement, il s'est discrédité par quelques erreurs d'administration qui n'ont pas plu à ceux qui étaient dans la colonie. Alors, on a voulu essayer d'un autre système. Cet autre système, M. Campos, c'est ce qu'on appelle le marché libre, mais qui n'est pas libre. Bon, le marché libre qui n'est pas libre, c'est-à-dire qu'au fond, le commerce général, c'est-à-dire tout ce qu'on importe de France pour les besoins des habitants, et le commerce des fourrures avait été le monopole des centres associés, était aussi le monopole de la communauté de 1645 à 1652, et à partir de 1648, le commerce général est livré aux habitants. Il est libre aux habitants. Bon. Mais le commerce des fourrures, qui dès l'origine devait financer toute l'opération colonisatrice, reste un monopole et il est à ce moment-ci le monopole de la communauté des habitants, c'est-à-dire de toute la population. C'est-à-dire que les marchands de France n'ont pas d'affaire dans ça. Les fourrures, ça, c'est proprement l'affaire des habitants. Voyons. Alors, à l'intérieur de ce monopole, cependant, la concession qu'on fait en 1652 aux habitants, c'est qu'eux-mêmes auront le droit de faire venir des marchandises de France pour les échanger directement contre les fourrures des Indiens. C'est-à-dire chacun des habitants pourra faire ça. Alors qu'auparavant, il fallait toujours passer par l'intermédiaire Alors, du monopole. c'est ça. Alors qu'auparavant, c'était les commis du magasin de la communauté qui faisaient ce commerce. À l'exception seulement d'une petite concession faite aux habitants qui, avec leur production, pouvaient acheter des fourrures et les revendre au magasin. On aurait pu croire, à ce moment-là, puisque chacun peut entrer et sortir de ce marché, que le prix des fourrures, comme le prix des denrées dans le commerce général, Oui. allait se mettre à fluctuer. Et pourtant, le prix est assez fixe. Bon, il ne fluctue pas parce que, d'abord, toujours. Le commerce et l'économie est sous le contrôle du Conseil de Québec. Il ne fluctue pas parce que, à partir de ce moment, la fourrure, le Conseil va fixer le prix lui-même de la fourrure. Il le fixe au prix de la vente en France, en sorte qu'il n'y a aucun autre que les habitants qui pourront faire du profit sur la fourrure. comprenez? Parce que à Québec, la fourrure va se vendre exactement au prix où elle va se vendre en France. Ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, on s'arrange avec des marchands français qui, à des conditions stipulées d'avance, même à des prix et des taux de profit stipulés d'avance, apportent la marchandise à Québec, où les habitants vont la prendre. Et puis, alors, échanger leur fourrure, et ils paient en fourrure au taux fixé par le Conseil. La fourrure devient la monnaie courante de la colonie. Si le castor est la monnaie courante, on voit aussi apparaître à cette époque lettres de change et monnaie sonnante qu'on utilise pour équilibrer les échanges lorsque le troc donne lieu à des échanges inégaux. C'est aussi le moment où apparaissent les premiers impôts en Nouvelle-France, un impôt à l'exportation des fourrures pour financer l'administration de la colonie, un impôt lourd, égal à la moitié des peaux de castor exportées à un certain moment. Impôt qui sera réduit en 1653 au quart seulement, après de nombreuses représentations des habitants. Mais cette période de marché qui est libre sans l'être tout à fait, cette expérience de la communauté des habitants, si ce n'est pas un échec total, ce n'est pas un succès non plus. Et en 1659, la communauté des habitants vend son monopole à la Compagnie de Rouen, une compagnie qui lui achètera tout son castor à 6 livres. C'est un retour en partie au régime de monopole privé. Lucien Campeau. À partir de 1652, ce sont des armateurs français privés, soit de Rouen, soit de La Rochelle, qui apportent ici les marchandises et tout ce dont la colonie a besoin. Là, il y avait de la concurrence à ce moment-là. Ce qu'on fait en 1660, sur le conseil du gouverneur d'Argenson, c'est de concentrer toute la fourniture de la colonie entre les mains d'un seul marchand, faire un contrat avec lui, les conditions très précises, et le lui donner, à condition qu'il donne, lui, c'est-à-dire lui promet à l'administration que doit soutenir la fourrure, 50 000 livres, et en plus, il paie pour avoir ce monopole de la fourniture, il paie 10 000 livres qui doivent servir à épuiser et éteindre les dettes en France. Donc, la colonie reçoit pour son administration 60 000 livres par année de la Compagnie de Rouen. C'est ça. Et pourtant, après un an à peine d'opération, le contrat est résilié. Pourquoi? C'est qu'il est arrivé un accident économique à cette époque-là. 1660, c'est l'année du mariage du roi. Or, tous les courtisans ont voulu se faire faire au moins un chapeau de castor. Le castor a monté terriblement, au-delà du prix qui avait été fixé dans le contrat avec la Compagnie de Rouen. Il est monté jusqu'à 14 ou 15 francs, le castor, ou la livre de castor, alors qu'il était habituellement autour de 10 ou 8 ou 10. En sorte que le profit de 1660, il a été fait par la compagnie et non pas par les vendeurs de fourrures ici au pays. Évidemment, les habitants ont protesté, ils avaient perdu ce profit-là, ils se sont dit ce contrat-là est désastreux. En fait, il était désastreux pour cette année-là, mais l'année suivante, il était très avantageux. Seulement, la démarche était entreprise pour le faire résilier. Le roi, sur l'avis du Conseil de Québec, a consenti à la résiliation du contrat et le contrat a été résilié en 1662. Ce qui laisse la colonie dans Bon, quel état? elle revient par conséquent à l'état de liberté qu'elle avait avant d'Argenson. C'est-à-dire que là, ce sont les habitants qui vont se grouper pour faire des petites compagnies pour exploiter la fourrure autour de Québec et puis même à Tadoussac aussi, parce qu'on avait cédé la traite de Tadoussac également. Alors, ça a été un régime assez. Et puis, qui marchait assez mal parce que ces habitants-là n'avaient pas de capitaux. Thank you. Avec les années 1660, la socio-économie de la Nouvelle-France entre dans une ère de changement. Après les expériences avec monopole privé et compagnie mixte, et l'expérience de la communauté des habitants, toute expérience qui aboutisse à peu près à l'échec, c'est l'époque du gouvernement royal. Le roi de France prend la colonie en main. D'abord, il faut neutraliser la menace iroquoise. C'est fait par les soldats du régiment de Carignan-Salière. Il devient alors possible pour la course des bois de se généraliser et pour un nouveau réseau dense de traite des fourrures de se former. Mais il y a plus. Le gouvernement du roi va être l'occasion de mettre en place un plan encore plus ambitieux que tous ceux qu'on a vus auparavant pour le développement de la colonie. C'est un plan qui s'inscrit dans le grand mouvement mercantiliste qui marque les politiques européennes du temps. C'est un schéma dans lequel l'État réglemente afin d'assurer la prospérité du royaume, et le rôle des colonies est de servir à augmenter la prospérité de la métropole. Pour ce faire, on ne va pas hésiter à mobiliser tout l'arsenal des réglementations économiques, sociales, religieuses et politiques. Pour Louis XIV et son ministre de la Marine, Colbert, via les gouverneurs et intendants de la Nouvelle-France, il s'agit ni plus ni moins, diront certains, que de mettre en place une société préfabriquée, une société selon un plan préétabli. Celui qui, plus que tout autre, est associé à cette étape du développement économique de la Nouvelle-France, c'est l'intendant Jean Talon. Comme nous l'explique Jacques Mathieu de l'Université Laval, on peut analyser ce plan de Colbert et Talon. C'est un plan différent un peu de celui de Samuel de Champlain. Je dirais que c'est un plan qui fait la synthèse de l'expérience de la France en Amérique du Nord en 1660. On a identifié les secteurs où il était intéressant d'intervenir, on a identifié la façon d'intervenir, tant au point de vue gouvernemental, politique, administratif, institutionnel, qu'au point de vue économique, et on a voulu recréer ce que Lionel Groulx aurait appelé une race de Français en Amérique du Nord. Et c'est un plan, il faut bien le voir, qui est fondamentalement européen. Les hommes qui viennent, les structures qui sont transplantées, l'économie que l'on envisage, tout ça est dans une perspective européenne. Mais c'est tout ce programme européen d'avoir une France nouvelle en Amérique qui sera butée constamment à une géographie, à des particularités, à des modes de vie, à une immensité, à un climat particulier en Amérique du Nord, dans la colonie française. Contrairement peut-être un petit peu à Champlain, Talon mise sur l'ensemble des ressources économiques, mais l'exploitation de ces ressources économiques et de toutes ces ressources économiques, elle est située dans la perspective française. Et c'est la grande époque du mercantilisme. On veut que la colonie fournisse à la France des matières premières. Et Jean Talon ne prévoit pas avoir un secteur d'activité qui agirait comme pôle de croissance de l'ensemble des autres secteurs d'activité économique. Il veut que tout soit développé. et développé de façon complète en aboutissant finalement à une structure assez diversifiée où l'agriculture se pratique et a des débouchés, où le commerce évidemment est très intense et également où l'industrie se développe de façon significative. Je dirais que l'objectif de Talon, c'est d'en arriver à l'autosuffisance de la colonie. Mais c'est un objectif qui n'est peut-être pas nécessairement partagé par les autorités françaises. Les autorités françaises veulent d'abord et avant tout que la colonie économiquement soit au service de la mère patrie. Et si Talon aura une grande importance dans le développement du pays, ces entreprises seront éphémères un peu à cause de ça. Elles dérogeront aux grands principes économiques de la France, qui ne voulait pas tellement de l'autosuffisance, mais qui situait l'économie de la Nouvelle-France dans une perspective carrément européenne et une perspective influencée par des principes d'action ou des principes d'intervention économique déjà bien connus, bien acceptés et intégrés dans la machine administrative à l'époque. C'est ce qu'on appelle le mercantilisme. Monsieur Mathieu, on a l'impression que vous nous décrivez Jean Talon comme un mauvais serviteur, comme un intermédiaire qui aurait mal traduit les intentions de Colbert et de Louis XIV. Est-ce que je vous comprends bien? C'est une interprétation que l'on peut donner à des faits. Moi, je préférerais dire que ça a été un fidèle exécutant, mais un exécutant assez autonome pour dépasser un peu les ordres qui lui étaient donnés et envisager le développement de la Nouvelle-France dans un contexte un petit peu plus favorable à la colonie. On a de la difficulté à s'imaginer, avec le recul du temps, le caractère extraordinairement détaillé de ce plan de Colbert et Talon. On va faire en sorte, selon l'expression de l'historien Sigmund Diamond, que la vie de la Nouvelle-France devienne matière à calcul rationnel pour le planificateur. Institutions politiques, commerce, tenure de la terre, tout va être réglementé pour donner à l'individu le sentiment qu'il a une position, un rôle précis dans une organisation sociale et qu'il importe pour lui de s'ajuster toujours aux besoins de ce système. Rien n'illustre mieux le caractère contraignant et détaillé de ce cadre réglementaire que la politique démographique en vigueur, une politique de mariage précoce, rapide, facile, sinon forcée, dira Jacques Mathieu, politique destinée et à peupler et à enraciner de façon stable la population. Les célibataires perdent le droit de chasser, pêcher, commercer avec les Indiens et même d'entrer dans les bois. Les pères, dont les fils n'étaient pas mariés à 20 ans et les filles à 16 ans, étaient sujets à une amende. L'intendant donnait des primes aux couples qui avaient plus de 12 enfants. Rien n'échappait à l'œil des responsables et la correspondance de l'intendant avec Colbert contient les détails de l'application du plan. Ce plan va avoir des effets assez extraordinaires sur la colonisation de la Nouvelle-France. D'abord au plan démographique. C'est enfin la croissance, et la population de quelques milliers en 1663 va doubler en 5 ans, va tripler en 12 ans. Au début des années 1680, la population de la Nouvelle-France dépasse les 10 000 habitants. Mais on va aussi voir le commencement de l'exploitation de la forêt, des mines, et une certaine diversification donc des activités économiques. La multiplication de petites entreprises, brasseries, production d'étoffes du pays, construction navale, autant d'efforts qui pourtant ne survivront pas au départ de Talon, rappelé en France dans les années 1670. Rareté de main-d'œuvre spécialisée et manque de capitaux vont, répète-t-on, empêcher la réalisation de ce vaste plan. Mais il y a aussi que c'était un plan européen et que sa descente en Nouvelle-France s'est faite avec difficulté, avec des effets inattendus et pervers, comme nous l'explique Jacques Mathieu. En 1663, on crée le gouvernement royal, on impose de façon exclusive au pays ce que l'on appelle la coutume de Paris, qui est une sorte de code de loi, et de loi non écrite, et qui le sera après coup par des juristes. Cette régie de la vie des gens, cet encadrement institutionnel, juridique de la vie des gens comporte plusieurs articles, mais un ou deux en particulier qui permettent de voir comment les Européens ne pouvaient pas comprendre ou n'ont pas pu comprendre ce qui se passait au pays. C'est en ce qui a trait au contrat de mariage et à la succession des biens. La coutume de Paris stipulait que les gens devaient se marier en communauté de biens. C'était obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement, à moins d'une décision devant une cour de justice et de méfait par l'un des conjoints. Et c'était extrêmement difficile. C'était le régime général. Et la communauté de biens prévoyait, elle, que les biens immobiliers au décès pouvaient aller à un aîné et les biens immobiliers étaient séparés entre tous les enfants. En France, ça garantissait la solidité de la structure sociale. La terre, le grand patrimoine, la grande richesse en France restait toujours concentrée entre les mains d'un individu et habituellement de l'aîné d'une génération. En Nouvelle-France, mais la grande richesse, ça n'était pas la terre à l'époque. La terre, elle était d'une abondance inimaginable. Et ce qui faisait la richesse, c'était les investissements, par exemple, dans le commerce des fourrures. Résultat, au décès, la grande richesse d'une famille était divisée entre tous les enfants. Il n'y avait donc pas de concentration. Il en résultait que, à chaque génération, tout le monde était un peu sur le même pied, tout le monde avait les mêmes avantages sociaux au point de départ, alors qu'en France, il y avait toujours un privilégié que la succession privilégiait encore plus, et les autres qui étaient un peu défavorisés par cette succession, donc qui ne risquaient surtout pas de menacer la position privilégiée du plus fort. Donc la même règle du jeu appliquée en France et au Canada a donné des résultats entièrement différents. Les effets étaient fondamentalement et totalement différents. On a oublié que la structure économique de base n'était pas la même, que les effets étaient absolument différents. Or, dans bien d'autres domaines aussi, ce programme français général de développement se bute à des réalités nord-américaines que les Européens avaient d'énormes difficultés à envisager. Est-ce que, en transférant le régime seigneurial de ses origines européennes vers l'Amérique, le système va demeurer à peu près semblable? Voilà, avec la coutume de Paris, un autre exemple, peut-être encore plus simple, pour comprendre comment un plan, une planification gouvernementale, je dirais extérieure quand même au pays, donnera des résultats assez inattendus et un développement particulier. Le régime seigneurial est un mode d'occupation des terres qui, en France, datait ou remontait pratiquement au Moyen Âge et qui avait à ses origines une signification tout à fait particulière. Des individus habituellement nobles, habituellement riches, instruits alors que les paysans ne l'étaient pas, avaient organisé un système d'exploitation de terres qui finalement était toujours à leur profit. En retour, ces nobles disposaient de revenus, disposaient de moyens qui leur permettaient d'assurer la protection de leurs habitants face à des souverains locaux qui pouvaient être revendicateurs et qui pouvaient être assez belliqueux également. On transplante ce système en Nouvelle-France, mais les facteurs géographiques et économiques ne jouent pas du tout de la même façon. En France, le paysan, il est assujetti par une série de lois et de règles très fortes à des devoirs et à des redevances économiques envers son seigneur. Le seigneur est omniprésent, est extrêmement puissant. Et l'habitant dépend un peu de la bonne volonté du seigneur. Exigences ou demander des redevances trop fortes, le censitaire ou le censitaire éventuel était toujours libre d'aller voir un autre seigneur et de se faire concéder une autre terre avec des exigences moins élevées. Donc, dès le départ, une hiérarchie ou une dépendance qui n'existe pas comme en France. Il y a cet institutionnel, ce que donne les contrats de concession de terre qui prévoient toutes sortes d'obligations. Et il y a la réalité vécue. Quand le seigneur en France a son petit château et qu'il domine toute la plaine dont il est plus ou moins le propriétaire et qu'il domine tous ses censitaires et qu'il a sa petite armée qui peut intervenir assez facilement, il est extrêmement différent du seigneur qui, en Nouvelle-France, a concédé une terre à 10 km de chez lui à un individu qu'il ne connaît à peu près pas. Il est aussi pauvre que lui. Parfois, il ne réside même pas sur sa terre. Donc, le système de relations entre les deux est extrêmement différent. Et ça ne peut pas produire une société sur le modèle de la société française. Mais il ne s'agit pas seulement de problèmes de malajustement des institutions françaises. Toute la dynamique de la colonisation était fondée sur la promesse d'une mobilité sociale accélérée pour ceux qui prenaient le risque de traverser l'Atlantique. Or, ces efforts de planification et d'encadrement en Nouvelle-France sont ni plus ni moins que le refus d'accorder cette liberté, cette mobilité sociale qu'on avait pourtant promis. Le résultat, c'est que les habitants refusent cet encadrement, ils refusent de payer leurs dîmes et ils fuient la discipline sociale pour aller dans le commerce des fourrures. En 1680, le tiers de la population mâle adulte de la Nouvelle-France est dans les fourrures. Sigmund Diamond a analysé ce passage d'une organisation planifiée à une société canadienne libre et originale. Denis Monnière, de l'Université du Québec à Montréal, nous en parle. Il y a un auteur qui s'appelle Sigmund Diamond, qui a, à mon avis, développé une analyse très fine et très intéressante de la société de la Nouvelle-France. Et lui, il a démontré, finalement, que pour la Nouvelle-France, la nécessité de recruter une main-d'œuvre était la source de toutes les libertés. Et qu'en fait, l'indépendance de l'habitant en Nouvelle-France à l'égard des pouvoirs, soit le pouvoir religieux ou le pouvoir politique, cette indépendance est le résultat des conditions matérielles de l'existence même où se trouvaient ces habitants. Parce que pour amener des gens à travailler, il fallait leur offrir des avantages. Pour les faire immigrer ici, il fallait leur offrir des terres. Et donc, souvent, ces paysans qui venaient de la France s'établir au Canada échappaient au processus de prolétarisation, c'est-à-dire à la dépossession de leurs biens en France, venaient en Nouvelle-France et là connaissaient une mobilité sociale, puisqu'ils se retrouvaient propriétaires de terres et donc producteurs indépendants. Alors, Diamond souligne cette particularité, c'est que dans le fond, en dépit de tous les plans qu'ont pu faire les pouvoirs métropolitains, s'est instaurée en Nouvelle-France une société originale qui a répondu aux conditions matérielles de l'existence, c'est-à-dire aux nécessités de s'adapter à la réalité. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, lorsqu'on souligne le caractère totalitaire ou tyrannique du pouvoir politique en Nouvelle-France, je pense que c'est un peu une illusion ou un mythe parce que le caractère répressif de l'État en Nouvelle-France ne pouvait pas se comparer à celui de l'État français. Il y a des conditions très contraignantes qui empêchaient l'État de réprimer ou de contrôler les habitants. Les distances, l'éloignement des paysans, leur dispersion empêchaient le pouvoir d'imposer ses volontés aux habitants. Ce qui fait, par exemple, que nos habitants sont très libres. Ils vont faire la course des bois. Je pense que ça, on l'a illustré assez souvent, comment, par exemple, d'Iberville ou Radisson se foutaient éperdument des édits royaux et allaient allègrement sur les plates-bandes des seigneurs qui avaient des concessions de traite. Alors, il y a donc des conditions matérielles qui imposent une déviation, d'une part par rapport au modèle métropolitain, d'autre part par rapport aux volontés des dirigeants de la colonie. On se rappelle que le sieur de Monts et Samuel de Champlain, dans leur premier voyage au début du XVIIe siècle, avaient d'abord abordé en Acadie. La fondation de Port-Royal sur la côte ouest de la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui remonte à 1605. En 1670, la population de l'Acadie dépasse à peine les 400 personnes. Mais ce morceau séparé, encore plus marginal de la socio-économie canadienne du temps, commence à organiser un embryon de colonie dans les maritimes. Non seulement on essaime bien loin de Port-Royal, mais on crée littéralement un genre de vie particulier en Acadie. Jean Daigle est directeur du Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton. Le principal et le seul établissement, disons, d'importance, c'est Port-Royal, qui est, jusqu'à un certain point, disons, la métropole, qui est la capitale de l'Acadie. Existent aussi certains petits ports de pêche, certains endroits, si vous voulez, où un certain nombre d'individus vont faire le commerce des fourrures, notamment dans la région de Cap-Sable, aussi sur, disons, la façade atlantique de la Nouvelle-Écosse, quelques petits territoires de pêche. On sait, M. Daigle, que vers les années 1670, il y a à peu près 400 Acadiens dans l'Acadie, et que commence une nouvelle phase du développement de l'Acadie. On va commencer à coloniser et à développer certaines techniques nouvelles d'agriculture dans l'Acadie du temps. Quand on regarde les populations de la Nouvelle-France, quand nous regardons les colons de la Nouvelle-Angleterre, ce sont des gens qui développent, disons, des terres agricoles d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'on coupe la forêt, qu'on coupe le bois, qu'on essouche et qu'on commence à cultiver des terres hautes. Alors, les Acadiens qui, ou les Français qui sont venus, disons, s'établir en Acadie, ont apporté avec eux, et c'est peut-être un peu ce qui distingue la colonisation acadienne de la colonisation de la Nouvelle-France, parce que la plupart des colons acadiens qui sont venus au 17e et au 18e siècle sont des gens qui sont venus du sud de la Loire, surtout de la région des Charentes-Maritimes, la région du Vieux-Poitou, qui est la Vienne actuellement. Alors, ces colons connaissaient des techniques, disons, de récolte de sel, où, disons, dans les terres basses des Charentes, on faisait entrer l'eau de la mer dans des régions basses, et une fois que l'eau de la mer était asséchée, on récoltait le sel pour s'en servir, pour, disons, conserver le poisson. Alors, les Acadiens ont apporté ces digues, ont apporté cette idée de digue qui, disons, peut repousser la mer, et l'ont utilisée d'une façon tout à fait originale à l'époque, en s'en servant pour empêcher l'eau de la mer d'envahir les terres basses le long de la baie de Fundy. Alors, ces digues, c'est quoi? Ben, c'est, disons, des talus qui sont bâtis de main d'homme, dont le centre est renforcé par, disons, des pièces de bois. Et à la base de cette digue, de ce talus, il y a un petit canal que l'on appelle aboiteau. Et ce canal a donné le nom, par la suite, à toute la digue. Et c'est pourquoi nous employons le mot aboiteau actuellement pour désigner cette forme de culture. Alors, ce petit canal de bois qui se trouvait à la base comportait, disons, une petite porte qui était appelée clapet, qui fonctionnait d'une façon très ingénieuse, c'est-à-dire que la porte s'ouvrait du côté de la mer pour laisser l'eau douce de l'intérieur, c'est-à-dire la fonte des neiges, l'eau de pluie, l'eau aussi de certains ruisseaux, de petites rivières, qui pouvaient s'écouler librement vers la mer, à la marée basse. Et lorsque la mer montait, lorsque la marée était montante, la porte se refermait. Et à ce moment-là, disons, l'eau salée ne pouvait pas envahir les terres basses. Alors, les Acadiens pouvaient ainsi réclamer à la mer des terres basses qui étaient en fait des terres extrêmement fertiles. Et c'est pourquoi peut-être on les appelle des défricheurs d'eau. Les visiteurs qui, disons, venaient en Acadie au 17e ou 18e siècle considéraient les Acadiens comme étant des paresseux. Parce qu'en fait, les Acadiens ne répétaient pas, si vous voulez, les mêmes gestes que les autres colons en Nouvelle-France ou en Nouvelle-Angleterre ou dans d'autres régions. C'est-à-dire qu'ils ne coupaient pas le bois, qu'ils ne cultivaient pas les terres hautes. En fait, une fois que les digues étaient construites, ils n'avaient qu'à attendre 3 ans que, disons, l'eau de la pluie dessale les terres d'alluvion pour qu'on puisse ensuite les cultiver et faire des récoltes qui ont toujours été très, très, très bonnes. Pendant ce temps-là, en Nouvelle-France, on voit se multiplier les coureurs des bois. Et le contact avec les populations amérindiennes va encore renforcer le caractère d'indépendance des habitants si tant est qu'il avait besoin d'être renforcé. Mais les nouvelles formes de la traite des fourrures vont aussi de bien des façons fonder un système commercial plus complexe, un système commercial fondé sur un réseau de crédit à l'allure presque moderne. Cette montée d'un système commercial plus complexe va réclamer des institutions nouvelles, devises, lettres de change, deviennent des réalités de tous les jours. Le manque chronique de devises s'installe dans une colonie qui importe plus qu'elle n'exporte en valeur et qui donc voit son numéraire drainé vers la métropole. Et pourtant, la colonie a besoin de devises pour le commerce interne. Le problème est aggravé par la taxe sur les fourrures à l'exportation, le CAR, car à cause de cette taxe, beaucoup de la production canadienne prend le chemin des colonies américaines. Certains ont même suggéré que le gros des fourrures prenait ce chemin. Voilà qui créait un problème de balance commerciale pour la Nouvelle-France, balance commerciale déficitaire. Certains ont noté que le commerce illicite avait aussi engendré un afflux de piastres espagnols dans la colonie, mais il s'agissait souvent de devises sonnantes usées, rognées, que les métropolitains n'acceptaient pas à leur valeur nominale, mais seulement à la pesée. Le fait est que la fuite des devises va continuer, accentuée par le fait que le prix de la fourrure fléchit et que les débouchés se ferment vers la fin du XVIIe siècle. Il n'est donc pas possible d'éviter que toutes les devises soient drainées systématiquement vers la métropole pour payer l'excédent des importations. Pour éviter les effets débilitants de la pénurie d'espèces dans le commerce local, dans la colonie, on voit monter de nouveaux instruments financiers, lettres de change, billets tirés sur les marchands, systèmes de crédit. En 1685, quand les coffres de l'intendant sont complètement vides, il va littéralement fabriquer de la monnaie, monnaie de carte, carte à jouer coupée en morceaux et portant la signature de l'intendant de Meule. On verra que cet expédient va jouer un rôle de plus en plus important à mesure que se développent les problèmes monétaires à la fin du siècle. Mais cet expédient financier ne doit pas faire oublier le développement d'un système de crédit sophistiqué dans le nouveau commerce des fourrures, un système qu'a étudié le professeur Louise Dechaine de l'Université McGill. Il y a deux catégories de marchands. La première, c'est ceux qui s'intitulent eux-mêmes les marchands équipeurs. Ce sont des marchands qui vivent à Montréal, qui sont parfois des importateurs eux-mêmes des marchandises de traite, mais très souvent aussi qui achètent ces marchandises d'importateurs qui, eux, sont à Québec. Et ces marchands vont vendre à crédit des marchandises en grande quantité pour des voyages de traite à une seconde catégorie de marchands qui s'appelle des voyageurs. Et marchands voyageurs ou voyageurs. Donc ce sont des gens qui sont également à leur compte, si vous voulez, qui travaillent souvent en société ou en équipe de deux ou trois et qui achètent ces marchandises à crédit et s'engagent par un contrat très strict à rapporter les fourrures chez ce marchand qui les a approvisionnées. Et ce système est ainsi fait que, comme je vous dis, la dette se trouve garantie, que c'est un commerce qui marche dès la fin du XVIIe siècle remarquablement bien. Enfin, les dettes se paient rapidement. Si un voyageur n'honore pas sa dette, eh bien, il ne trouvera plus de crédit pour d'autres voyages. Donc, je pense que c'est dans les opérations de crédit, dans les actes d'obligation, qu'on voit un peu ce sens de commerce. Est-ce qu'on connaît un peu le degré de succès ou d'insuccès de ces marchands sur le plan purement économique? Oui. Oui, c'est relativement facile parce que ces marchands nous laissent les documents, nous laissent des inventaires après décès qui sont généralement très complets. Vous avez la liste de tous les actifs, les meubles, les immeubles. Bon, ben, vous avez de tout chez les marchands de fourrures, dans cette catégorie des marchands équipeurs. Bon, un historien qui s'appelle José Vertua a travaillé sur ces marchands de fourrures, lui, seulement sur eux, donc il a fait une étude complète et il en a vu bon, qui sont très riches. Moi-même, au XVIIe siècle, j'ai vu deux ou trois marchands qui vraiment ont des fortunes qui ont valeur de fortune, même en France, si vous voulez. Et puis beaucoup de gens médiocres et puis d'autres qui ne réussissent pas. Enfin, donc maintenant, tout ça, on parle du commerce et vous m'enfermez, ou en fait je me suis enfermée moi-même, si vous voulez, dans Montréal. Mais ce qui nous manque pour parler de ce commerce, c'est ce qu'il faudrait faire, enfin, ou la recherche, c'est Québec, parce que finalement, les navires arrivent à Québec, les importateurs, les marchands les plus importants, ou les facteurs de marchands français sont établis à Québec. Souvent, c'est eux qui sont les créanciers de mes marchands de Montréal. Or, il y a une chose dans l'étude du crédit qui est importante, c'est que le crédit est sous forme d'actes enregistrés devant notaire. Lorsqu'il s'agit de petites gens, c'est-à-dire le marchand qui prête à un voyageur ou à un engagé, va nécessairement avoir quelque chose d'écrit devant notaire. Mais entre grands marchands, ce sont des papiers, des notes privées, si vous voulez. Alors ces papiers-là laissent très peu de traces. Donc finalement, c'est peut-être la partie la plus importante, enfin, les relations entre le marchand de Québec et la France et tout ça, ça reste encore beaucoup dans l'ombre. C'est de Québec maintenant qu'il faudrait étudier le commerce. Certains qui n'ont pas étudié ce commerce-là, Louise Duchesne, ont quand même suggéré des conjectures quant à la profitabilité du commerce des fourrures et quant à la capacité que ce commerce-là avait d'engendrer une accumulation de capital. Certainement que le commerce des fourrures est une source d'accumulation. Bon, comme vous venez de le dire, il y a des opinions, on est aux deux extrêmes. Certains ont dit qu'il y avait des profits fabuleux, enfin des profits de l'ordre de 200% non. Et d'autres ont dit qu'il n'y avait pas du tout de profit. C'est comme dans tous les commerces, puisque de toute façon, il y a des gens qui pratiquent ce commerce, c'est donc qu'il y a des profits à faire, autrement il n'y aurait pas. Et les profits, bon, enfin des calculs qui pourraient être... Enfin, qui sont assez grossiers, ce que j'ai fait, mais je crois que c'est autour de ça, entre, vous savez, quand vous faites du 7 ou entre 7 ou 10% dans un commerce comme ça, net, c'est très bien, c'est très très bien. C'est beaucoup plus, par exemple, l'argent rapporte beaucoup plus de cette façon que si vous la placiez sur la terre rapporte beaucoup moins, donc, mais par ailleurs, il n'y a plus de risque. Mais ce sont les profits, le rapport du grand commerce de l'époque. Certains ont dit que même s'il y avait des profits à faire dans le commerce des fourrures, ces profits étaient plus ou moins expropriés, extraits, repris par la métropole, ne laissant aux marchands locaux et aux commerçants locaux que peu de ressources. Le commerce des fourrures est un commerce qui est d'abord entrepris par des Français. C'est un commerce qui fait d'abord, à l'origine, appel des capitaux français. Et... rapidement, au XVIIe siècle, vous avez des marchands intermédiaires sur place. Mais ça va toujours demeurer un commerce métropolitain. Ces gens-là, finalement, prennent une part de profit, bien sûr, importante. Relativement plus importante parce qu'ils y mettent plus d'argent. Enfin, il n'y a plus de concentration de ce côté-là. C'est beaucoup plus concentré du côté européen. Donc, les profits sont plus grands parce que l'investissement est plus considérable. Et lorsque vous arrivez à Québec, c'est déjà beaucoup moins concentré parce que la marchandise s'en va chez divers marchands, importateurs, mais il y en a plusieurs. Donc il y a aussi là une part de profit qui reste à Québec et puis finalement, ça s'éparpille davantage lorsque vous arrivez chez mes marchands équipeurs de Montréal, qui sont relativement plus nombreux, mais chacun il fait son profit. Les profits pourtant se feront plus minces à proportion que la concurrence dans l'Atlantique se fera plus dure. Dans un marché qui aura par moments l'air d'être saturé. On sait que le dernier tiers du XVIIe siècle voit d'arriver le commerce anglais en force dans la baie d'Hudson. C'est la compagnie de la baie d'Hudson. Et que donc la concurrence pour les fourrures va se faire pour la Nouvelle-France tant par le nord que par le sud. À ces concurrences atlantiques, il faut ajouter la récrudescence des hostilités iroquoises, récrudescence qui met en danger la stabilité de l'arrivage des fourrures de l'Ouest via les Outaouais. De 1683 à 1685, on rapporte que le castor en provenance du Canada passe de plus de 95 000 livres à moins de 24 000 livres. Non seulement la colonie voit son seul grand commerce en difficulté, mais il faut monter des campagnes militaires fort coûteuses, à un moment où le marché européen pour le castor fait face à une baisse de demande à la suite du remplacement du castor par le poil de lapin dans la confection des chapeaux. On va tenter de contrôler, de réduire l'offre de fourrure en prohibant la course des bois et en donnant un nombre limité de permis. Mais ces réglementations ne seront pas efficaces. La colonie est en difficulté économique et on commence à voir, ainsi que le suggère M. Denis Delage du cégep Édouard Montpetit, que les jeux sont faits. Pour l'essentiel, autour de 1650-60, les cartes sont déjà jouées. Il y a un document que j'ai trouvé dans les archives qui concerne la Nouvelle-Hollande. C'est un document écrit par des marchands hollandais qui commerçaient en Atlantique Nord, en particulier avec la Nouvelle-Hollande, et qui font une analyse de la situation après la perte de leur colonie, la Nouvelle-Hollande. Et ils disent qu'on a perdu, c'est très grave. Il y avait beaucoup de marins, on y exportait des produits. Mais pire que ça, ce qu'on a perdu, c'est un ensemble de richesses qui vont servir à l'Angleterre à constituer une puissance qui va finalement nous rivaliser chez nous. Et disent-ils, bon, c'est nous qui contrôlons le commerce du bois dans la Baltique, c'est nous qui contrôlons la construction navale. Et l'Angleterre doit passer par nous, et ce qui fait que nous avons une position hégémonique et qu'en position de guerre, nous pouvons lui couper les vivres. Mais dans la mesure où on laisse l'Angleterre avoir accès à un territoire nouveau, l'Amérique du Nord-Est, où il y a du bois, des fourrures, du poisson, l'Angleterre va, à partir de ce nouveau territoire, constituer de nouvelles richesses et va devenir une puissance qui va finalement nous concurrencer fortement. Et d'ici, dans ce contexte-là, les Français, ils sont battus d'avance. Les Anglais vont finir par les éliminer. Les Français ne pourront pas tenir face aux Anglais. En fait, à partir de 1660, 1663, il y a une intervention massive du pouvoir politique français pour développer une économie française dans la vallée du Saint-Laurent. Mais les lois économiques n'ont pas changé. C'est-à-dire que Québec est un site excellent pour la traite des fourrures, est un très mauvais site pour le commerce triangulaire, pour la participation à l'économie atlantique. Pour une raison simple, c'est qu'à cause des glaces, on peut au plus faire un voyage par année aux Antilles en bateau, alors qu'à partir de la côte américaine où il n'y a pas de glace, on peut facilement faire deux voyages. Alors, d'une part, le site est très mauvais pour toute autre activité que les fourrures, et d'autre part, la France reste un pays qui a une structure économique archaïque, donc un pays dont les marchandises sur le marché mondial ne sont pas compétitives. Et les produits hollandais vont continuer à pénétrer longtemps à New York, et les produits anglais vont y entrer aussi. On peut comparer les prix en 1680, et le prix des marchandises de traite en 1680 est deux fois plus élevé à Montréal qu'il ne l'est à Albany. Alors, c'est ce qui explique que les Hollandais, puis les Anglais ultérieurement, vont toujours faire le commerce des fourrures en restant chez eux dans leur fort et en attendant que les Amérindiens viennent les voir. Ils ont les produits de meilleure qualité, compétitifs, ils peuvent attendre. Les Français ne peuvent pas se permettre. Si les Français restent à Montréal, il n'y aura pas un Amérindien. Il faut donc aller au-devant d'eux, construire des forts pour empêcher les Amérindiens de traverser chez les Hollandais, puis ultérieurement chez les Anglais, et pour leur imposer un rapport d'échange sur place par voie militaire. La faiblesse économique française les amène à développer un appareil militaire monstre en Amérique du Nord, mais c'est toujours sur une base économique fragile. Ce qui fait qu'à long terme, c'est condamné. En Nouvelle-France, jusqu'en 1664, il n'y a que des fourrures. Et on pourrait dire quasiment jusqu'à la fin, il n'y a quasiment que des fourrures. En Nouvelle-Hollande, et ultérieurement à New York, il y a bien autre chose que les fourrures. Déjà en Nouvelle-Hollande, à partir de 1640, une agriculture commerciale se développe. On cultive du tabac, on en vend. On élève des chevaux, on les exporte, à Curaçao en particulier, au Brésil aussi, parce que le Brésil est hollandais de 1630 à 1654. Ensuite, on exporte de la viande, bon, des produits agricoles, du bois, et il y a une diversification économique. C'est intéressant de noter qu'il y a une classe de marchands qui s'est constituée autour du commerce triangulaire, d'une manière absolument indépendante de ce que pouvait être l'État à l'époque, et que, soit dit en passant, cette classe de marchands a fort bien survécu à la conquête anglaise de New York. Le cœur du problème économique jusqu'à la fin du XVIIe siècle en Nouvelle-France, c'est la fragilité fondamentale de sa base économique. Jusqu'à la fin du siècle, c'est le commerce des fourrures qui va commander toute l'évolution de la colonie. La crise des fourrures va donc être la crise de la Nouvelle-France. Tous les plans français parachutés de la métropole n'auront eu aucun effet, rien de tangible et de durable, sauf, comme le dira Jacques Mathieu, un apport de 109. La semaine prochaine, nous verrons comment c'est cette population nouvelle, forcée de se trouver une occupation hors du commerce des fourrures, qui va enclencher une mutation importante dans la socio-économie canadienne, la mutation vers une colonie à deux versants. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8.